بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ceci dit, en cette nuit du 5 Jumada 1441 de l'Hijr, qui correspond au 30 décembre 2019, la louange est à Allah. C'est notre dernière séance concernant les droits du prophète alayhi salatu salam à partir de cette risala de Cheikh Abdallah al-Bukhari, où il a cité quatre des plus importants droits de notre messager alayhi salatu salam, à savoir le premier droit, la foi en le messager alayhi salatu salam, composé de certains points. D'abord, la signification de la foi en le prophète alayhi salatu salam. Deuxièmement, les annulatifs de la foi en le prophète alayhi salatu salam. Troisièmement, les preuves du livre et de la sunna concernant l'obligation de la foi en le prophète alayhi salatu salam. Le quatrième point dans ce droit, l'envoi du messager alayhi salatu salam, Muhammad alayhi salatu salam, il est pour les mondes, pour les deux mondes, à savoir les djinns et les humains. Et cela englobe aussi le fait de croire qu'il a parachevé la religion, alayhi salatu salam, et qu'il a expliqué, comme il se doit cette religion, et il a complété le message, il l'a transmis comme il se doit, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Le deuxième droit, c'est l'obéissance au message, alayhi salatu salam, et le suivi de sa sunna. Et ce droit est composé d'un certain nombre de points. Les preuves de l'obligation de lui obéir à partir de la révélation, le livre et la sunna. Deuxième point, certaines paroles et positions des imams parmi les pieux prédécesseurs, en passant par les nobles compagnons et leurs successeurs, les pieux prédécesseurs de cette communauté, dans leur combat contre tout ce qui est en contradiction avec le suivi. Le troisième droit, l'amour dû au prophète alayhi salatu salam, et les catégories de gens concernant cet amour et certains signes qui prouvent l'amour du messager alayhi salatu salam. Le quatrième droit, l'obligation de révérencier le prophète alayhi salatu salam, de le respecter, de le soutenir, de le défendre. Et il est composé d'un certain nombre de points, la signification du ta'zir, du tawqir. Deuxièmement, certains aspects qui prouvent le respect du prophète alayhi salatu salam durant sa vie. Et le troisième point, la révérence du prophète alayhi salatu salam après sa mort. Et le quatrième point, ce que nous allons prendre aujourd'hui avec la conclusion pour terminer cette risala, certains aspects du suivi et du respect du prophète alayhi salatu salam par les compagnons et leurs successeurs parmi les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim de la communauté. Et puis, la conclusion, bi'idhnillah azza wa jal. يقول الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله: المطلب الرابع صور من تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وسلف الأمة الصالحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الصور والوقوف عند سنته واتباعه من غير إفراط ولا تفريط. حفظه الله تعالى le quatrième point, comment les nobles compagnons ainsi que les vertueux qui leur ont succédé parmi les pieux prédécesseurs d'Allah, révérencier le prophète alayhi salatu salam. Il dit: ô frères, nous avons besoin de méditer comment les pieux révérencier le prophète, et nous avons besoin de nous arrêter là où nous arrête la sunna et de suivre ce messager alayhi salatu salam sans exagération et sans laxisme. Yaqulu hafidhahullah, awwalan ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنع بعض الناس الزكاة قال رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه أخرجه الشيخان في الصحيحين. Les aspects de la révérence et le respect et le suivi du messager alayhi salatu salam chez les nobles compagnons, méditons ce premier, qu'a cité Cheikh Abdallah ici. Et ce premier cas, il est cité par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu arda. Ce qui a été rapporté de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, quand le messager alayhi salam est décédé, il y a certains tribus arabes qui ont apostasé. Et certains ont refusé de donner la zakat. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, par Allah, s'il me refuse une corde, hein, une corde de la zakat qu'il donnait au messager alayhi salam, je les combattrai. ثانيا ما جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. Le deuxième aspect de cette grande révérence et ce grand suivi du prophète عليه الصلاة والسلام et ce grand respect du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui a été rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim rahmatullahi alayhim jami'an, quand Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda a embrassé la pierre noire, il a dit, par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne prodigues ni le bien ni le mal, si j'avais pas vu le messager t'embrasser, je t'aurais pas embrassé. Au marge de la page, concernant cette parole de Omar ibn Khattab, hein, Cheikh a cité les paroles de l'Hafid ibn Hajar, hein, qui a dit que Tabari rahimahullah a dit, certes Omar a dit cela, car les gens étaient nouveaux dans l'islam. Il y a peu de temps qu'ils ont délaissé l'adoration des statues. Omar a eu peur que les ignorants croient que le fait de toucher la pierre noire fait partie de la révérence due à certaines pierres, comme les Arabes le faisaient pendant le Jahiliya, c'est-à-dire pendant l'époque de l'ignorance, la période pré-islamique. Et Omar a voulu enseigner aux gens que toucher la pierre noire, c'était tout simplement par suivi du messager alayhi salatu wassalam, non pas parce que la pierre noire prodigue un bien ou un mal, comme le croyaient les Arabes pendant la période del Jahiliya, la période de l'ignorance. Ibn Hajar a dit, déduisant certains points à retenir de cette histoire, il dit, il y a dans ce récit qu'il faut montrer la sunna avec la parole et aussi avec l'acte. Et aussi, le gouverneur, s'il a peur qu'un acte peut amener à fausser une croyance, il doit vite donner des éclaircissements sur la situation. Fin de citation. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله ثالثا ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى عن متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالعمرة والحج معا وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد متفق عليه واللفظ للبخاري. Et le troisième cas à méditer, ce qui a été rapporté de Ali ibn Abi Talib, et c'est chez l'imam Bukhari, c'est l'imam Muslim, et l'expression ici est celle de l'imam Bukhari. Quand on lui a transmis que Uthman radiyallahu anhu arda a interdisé la mut'a du hajj, Ali radiyallahu anhu, au moment de sa sacralisation, au moment de rentrer pour accomplir son pèlerinage, il a déclaré la umra et le hajj. Et il a dit, je ne vais pas délaisser la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour la parole de quelqu'un. Radiyallahu anhu majma'in. Rabi'an, an Abdullah ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع أخرجه الدارمي في السنن وأخرج أيضا عنه أنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. Quatrième point à méditer, c'est ce qui est rapporté d'Abdullah ibn Abbas, rapporté par Darimi, rahimahullah ta'ala, et Ibn Battah, Abdullah ibn Abbas a dit, tu dois préserver les droits d'Allah, être droit dans la religion, et suis, il n'innove pas. Et dans ce qui est rapporté dans l'Ihtisam, toujours d'Abdullah ibn Abbas, il dit, celui qui innove un avis qui n'existe pas dans le livre, et qui ne fait pas partie de la sunna du messager alayhi salam, il ne sait pas ce qu'il va lui arriver au moment de rencontrer Allah. Ainsi, ils étaient avec le respect de la sunna et le suivi de la sunna et ils s'arrêtaient là où les arrêtait la sunna. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن طاووس بن كيسان اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر يعنيها الأصليهما فنهاه عنهما فقال فقلت لا أدعهما. يقول طاووس لا أدعهما. فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتلا هذه الآية إلى أن جاء إلى قول الله تعالى مبينا تسليم وانقياد وتعظيم لهذه السنة وامتثال. Et donc aussi عبد الرزاق rapporte رحمه الله dans son مصنف et il le rapporte de Kisan, de Taous ibn Kisan اليمانيت qui a posé une question à Abdullah ibn Abbas concernant Durk'at après l'Asr. Il lui a posé la question, est-ce que je l'ai prie ou pas? Abdullah ibn Abbas lui a interdit de lui prier. Taous a dit, je ne les délaisserai pas. Abdullah ibn Abbas lui a répondu avec ce verset, dont la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, il n'appartient pas à un croyant une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare certes un égarement évident. Hein? Cheikh, il dit ici, donc, soumission, mise en application de cette sunna, révérence de la sunna et respect de la sunna. خامسا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كما رواه الدارمي في سننه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء عنه أنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. خرجه الحاكم وغيره. Et le cinquième point médité que nous a cité Cheikh Siski rapporté par Darimi et par Lalakai et par d'autres, le rapportant d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréé, a dit, suivez et n'innovez pas, on vous a suffi. C'est-à-dire, nous avons qu'à suivre la voie des compagnons et de ne rien rajouter, de rien inventer. La voie sur laquelle ils étaient nous suffit. Et il a été rapporté aussi, chez Ibn Battah, chez Lalakai, d'Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit, être économe dans la sunna, c'est mieux que de faire des efforts dans l'innovation. C'est-à-dire, faire peu d'actes dans la sunna est mieux que faire beaucoup d'actes dans l'innovation. Sadisan, جان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا قال لابن عمر إني كنت وصاحب لي في سفر فأتمنت أنا وقصر هو يعني ما رأيك في هذا الحكم؟ فقال رضي الله عنه بل أتمه وقصرت أنت. لأن السنة في السفر ماذا؟ القصر. إذن il rapporte aussi sixième point à méditer d'Abd الله بن عمر comme il est rapporté chez Abd al-Razzaq, rahmatullah alayhi, dans le Musannaf, qu'un homme a dit à Abdullah ibn Omar, j'étais en voyage avec un ami, et j'avais pas raccourci les prières, j'ai complété, j'ai fait les prières de 4 ka'at en 4 ka'at, et ainsi de suite, j'ai complété les prières, j'ai pas raccourci les prières, et mon ami les a raccourcis. Et il lui demande le hukm de ce qu'il a fait. Abdullah ibn Omar a dit, ton ami a complété ses prières, et toi tu les as raccourcis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son ami a accompli la sunna. Pourquoi? Comme il a dit cher ici, hein? Parce que la sunna, dans le voyage, c'est de raccourcir les prières. وخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده أن قزعة سأل عبد الله بن عمر قال آتي الطور قال دع الطور لا تأتي ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. et aussi dans ce qui est rapporté par Ibn Abi Shayba rahimahullah dans son Musannaf, avec sa chaîne de transmission, il le rapporte, il rapporte que Qaza'a a questionné Abdullah ibn Omar. Il lui a dit, je vais aller à la montagne de Thor. Abdullah ibn Omar lui a dit, délaisse Thor, n'y va pas. Et il a argumenté avec la parole du messager alayhi salatu salam, qui a dit, on ne voyage pas, c'est-à-dire un voyage d'adoration, on ne voyage pas que vers les trois mosquées. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال له نجد صلاة الخوف وصلاة الحذر في القرآن ولا نجد صلاة الصفر فقال ابن عمر انظر إلى هذا الجواب المؤدب المؤدب قال بعث الله نبيه ونحن أجهل ناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي نقف حيث علمنا وهدينا. Ibn Abi Shayba, dans son Musannaf, rapporte d'Abdullah ibn Omar qu'un homme lui a dit, un homme a dit à Abdullah ibn Omar, nous trouvons cité dans le Coran la prière de la peur et la prière, hein, quand on n'est pas en voyage, mais on n'y trouve pas la prière du voyage. On n'y trouve pas la prière du voyageur. Abdullah ibn Omar a dit, médite ce noble comportement et médite cette réponse éducatrice. Ah, il médite la façon de répondre de ce grand éducateur qui est Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar lui a dit, Allah a envoyé son prophète au moment où nous étions les plus grands ignorants parmi les gens. Donc on fait comme a fait le messager alayhi salatu salam. On fait comme a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'arrête à ceux qui nous a été enseigné, et on ne dépasse pas les choses vers lesquelles on a été orienté. Regardez comment ils sont. سابعا ما جاء عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وذلك أنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بيديه يدفع عنه صلى الله عليه وآله وسلم تلك السهام والنبال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرف ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. يوسيل غابورت سكو الإمام البخاري الإمام Muslim ont rapporté ce troisième aspect du suivi du respect de la sunna et du respect de l'amour du prophète alayhi salatu salam, qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, Abu Talha, l'Ansari, quand il protégeait le messager d'Allah des flèches et lances des mécréants lors de la bataille de Uhud avec ses mains, il repoussait les flèches et les lances. Et le prophète se montrait pour voir les gens. Abu Talha lui dit, ne t'expose pas pour que les flèches ne t'atteignent pas, ya Rasulallah. Bi abi wa ummi, ma vie en sacrifice pour la tienne, ya Rasulallah. Ainsi ils étaient dans leur amour, dans leur suivi, dans leur attachement au prophète alayhi salatu salam, dans le respect, dans la façon de le révérencer. ثامنا عمر بن عبد العزيز الإمام الراشد كتب إليه أحد عماله يسأله عن الأهواء فأجابه بقوله مكتوبا أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة أخرجه الأجري في الشريعة. Et voici ce que rapporte l'imam l'Ajurri dans Sharia, le huitième modèle, le huitième aspect à méditer. Omar ibn Abd al-Aziz, le gouverneur bien orienté, un de ses préfets sur une région lui a écrit une question concernant les innovations. Et Omar ibn Abd al-Aziz lui a répondu avec sa parole écrite. Il lui a dit, ceci dit, je te conseille taqwa Allah. Taqwa, c'est le fait de préserver les droits de Allah avec preuve, en espérant la récompense min Allah. Il s'abstenir ce que Allah interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah. Et donc, je te conseille taqwa Allah et d'être économe dans sa religion, c'est-à-dire d'être dans un juste milieu. Et suis la voie d'Allah et la sunna de son messager et délaisse les nouveautés qu'ont inventées les innovateurs après le messager. La sunna était suffisante pour eux. Alors crampons-toi à la sunna, il est pour toi une citadelle de protection. Bi'idnillahi azza wa jal. Naam, ils étaient ainsi ridwanullahi alayhim. تاسعا ما جاء عن الإمام المبجل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابع الجليل قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله خرجه الدارمي في سننه رحمه الله تعالى. Et donc, dans ce qui est rapporté par Darim Rahimahullah, dans ses sunan, il le rapporte de ce grand imam, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhri, qui est un noble tabi'i, qui a dit, ceux qui nous ont précédés parmi nous savons disaient, se cramponner à la sunna, c'est la voie pour être sauvé. Et la science disparaît très vite. Avec l'existence de la science, la religion se raffermit et se renforce dans ce bas monde. Et avec la disparition de la science, c'est la disparition de tout ça. Allahu Akbar. S'il vivait à notre époque, il dirait quoi? Ashiran, ma ja'a an al-imam Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, al-tabi'i al-jalil, ja'a anhu fi tafsir, عنه تفسير قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قوله الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته أخرجه ابن جرير في التفسير. Et donc ابن جرير, ce deuxième cas à méditer, ce deuxième aspect à méditer, hein, dans ce respect de la sunna et du message عليه الصلاة والسلام, ابن جرير rapporte dans l'explication qu'il a fait du Coran, il rapporte que l'imam Mujahid ibn Jabr, le noble tabi'i, concernant le verset qui dit « c'est vous », le verset qui dit, dans la traduction approximative du sens du verset, « si vous avez un litige concernant quelque chose, ramenez-la vers Allah et le messager. » Et Mujahid a dit, il a dit ramener vers Allah, c'est-à-dire vers son livre, vers le Coran, ramener vers le messager, c'est-à-dire vers sa sunna, alayhi salatu wassalam. Al-Hadi Ashar, ma ja'an abidata an ubaidata salmani, rahimahullah, fima akhrajaw Abdul Razzaq fi musannafih, an ibn Sirin, annahu sa'ala ubaidata qal, adraktu rak'atan min al-maghrib, annahu sa'ala أنه سأل عبيدة قال أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي قال السنة خير سلم أدركت وأتمم ما فتك قلت فأقرأ قال نعم والشاهد في قولي السنة خير. Le 11e cas à méditer, ce qui a été rapporté par Abdul Razzaq rahmatullah alayhi dans son musannaf rapporté de Ubayd al-Salmani qui le rapporte d'Ibn Sirin comme quoi Ibn Sirin lui a posé la question suivante: j'ai fait avec l'imam une rak'at de salat al-maghrib, je lui rajoute une deuxième et je sors de la prière. C'est-à-dire, il prie que deux. Et puis, je fais mon maghrib après. Une fois qu'il sort de ses deux rak'at, il va faire son maghrib. Ibn Sirin lui a dit, « Et donc, dans ce qui est rapporté par Ubayda al-Salmani, qui le rapporte de Ibn Sirin, que Ubayda lui a posé la question suivante. J'ai fait avec l'imam une rak'at de Salat al-Maghrib. Je lui rajoute une deuxième et je sors de la prière. Et puis je fais mon maghrib. Ibn Sirin lui a dit, la sunna c'est mieux. Tu rentres avec l'imam là où tu l'as trouvé et puis tu termines ce que tu as manqué. Et Ubayda lui a dit, et je lis, c'est-à-dire dans les rak'at qui me restent, que je dois rattraper, je lis le Coran. Ibn Sirin lui a dit, oui, le témoignage ici, c'est la parole d'Ibn Sirin, as-sunnatu khair, la sunna c'est mieux. الثاني عشر ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن الأعمش أنه قال إبراهيم أنه قال إبراهيم النخعي التابعي أنه قال إبراهيم النخعي التابعي الجليل وكان قد سئل عن الإمام إذا سلم من الصلاة كان إمام من أئمة المساجد إذا سلم بعد الصلاة قال صلى الله على محمد لا إله إلا الله أن يقول هذا الذكر بعد السلام فكان أن سئل النخعي عن هذا فقال ما كان من قبلهم يصنع هكذا يعني هذا أمر محدث وكان قد ساق قبله أن أبا البختري رحمه الله وصف وكان قد سئل عن هذه المسألة فقال هذه بدعة. Donc le deuxième modèle à méditer, ce qui est rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf avec sa chaîne de transmission vers l'A'mash, qui rapporte que Ibrahim Nakhai, le noble tabi'i, a dit alors qu'il a été questionné quand l'imam dit salamu alaykum à la fin de la prière, car un imam parmi les imams de mosquée disait cela après salam, c'est-à-dire il disait prière sur Muhammad alayhi salam, la ilaha illallah. Et la question lui a été posée, est-ce qu'il dit, celui qui lui a posé cette question, il lui a dit, est-ce que je dis cette invocation après salam? Donc, Ibrahim Nakhai, quand il a été questionné sur cette invocation, il a dit, leur prédécesseur ne le faisait pas. Cela signifie, c'est quelque chose de nouveau. Et auparavant, il avait cité que Abu al-Bukhtari lui a été posé la même question, et il a dit, c'est une innovation. Hein? L'imam, il se tourne, il dit, salamu alaykum, il dit, sallallahu ala muhammadin, la ilaha illallah. Donc, regardez ces grands imams, c'est une innovation. الثالث عشر ما جاء عند عبد الرزاق في مصنف عن سعيد بن المسيب رحمه الله التابع الجليل أن رجلا كان يكرر الركوع بعد الفجر فنهاه وجدبه أن يجلس فقال له الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة فقال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة ولكن يعذبك على خلاف السنة لا يعذب الله جل وعز على الصلاة يعذب على خلاف السنة لأن الأعمال مشروطة بشرطين للقبول الإخلاص والاتباع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. Et donc le 13e aspect du suivi et du respect de la sunna chez les pieux prédicateurs d'Allah alayhim, ce qui est rapporté par Abdul Zahd dans son Mousannaf, il le rapporte de ce noble tabi'i qui est Saïd ibn al-Musayyib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre tous de sa sainte miséricorde, qu'un homme, après avoir fait la sunna du Fajr, n'arrêtait pas de se lever pour faire la prière, pour prier encore. Faisait beaucoup de rak'at après la sunna du Fajr. Et Saïd ibn al-Musayyib lui a dit, assieds-toi. Saïd ibn al-Musayyib lui a intimé l'ordre de s'asseoir. Et l'homme lui a dit, ya Aba Muhammad, est-ce qu'Allah va me châtier pour la prière? Saïd ibn al-Musayyib lui dit, non, mais il va te châtier pour la divergence que tu as avec la sunna. Il va te châtier pour la divergence que tu as avec la sunna. Allah ne va pas te châtier pour la divergence. Allah va te châtier pour la divergence avec la sunna. Allah ne te châtiera pas pour la prière. Il va te châtier, il va châtier pour la divergence avec la sunna. Car les actes, pour qu'ils soient acceptés, il leur faut deux conditions. La sincérité, ils doivent être accomplis sincèrement pour Allah et le suivi du messager, alayhi salatu wassalam. الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير أقول يا ترى أي محبة وأي اتباع وأي انقياد وأي توقير وتعزير وإجلال وتعظيم لأناس قد خالفوا في هديهم ودلهم وسمتهم وقولهم وحالهم وفعالهم هديه عليه الصلاة والسلام ودله وسمته وقوله وفعله بل واعتقاده عليه الصلاة والسلام إيه اللي حفظه الله تعالى لا conclusion. Qu'Allah fasse que notre fin et la vôtre soient dans le bien. Il dit, je dis, voyons quel amour pour le prophète et quel suivi et quelle soumission au prophète et quelle révérence et respect chez des gens qui sont en divergence avec sa voix, alayhi salatu wassalam, qui sont en divergence avec son comportement, qui sont en divergence avec ses situations, qui sont en divergence avec ses paroles, qui sont en divergence avec ses actes. Plus encore, ils sont en divergence avec ses croyances. يقول حفظه الله لا شك أن هذا هو الحرمان وصاحبه متوعد إن لم يتب لقول الله جل جلاله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللي حفظه الله تعالى فأي محبة هذه تدعى وأي اتباع ينسب مع هذه المخالفات العظيمات وهذا التنصر عن اتباع سنته والاقتفاء إلى أثره لا شك أن هذا هو الحرمان وصاحبه متوعد إن لم يتب لقول الله عز وجل جلاله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قل دي حفظه الله سيكوا سي بريتوندو أمور ومساج عليه الصلاة والسلام Quel suivi avec ces divergences énormes? Quel suivi avec ces témoignements de sa sunna et de sa voix? Il dit, il n'y a aucun doute que ça, c'est la situation de ceux qui ont été privés du bien. Il n'y a aucun doute que celui qui est dans cette situation est concerné par cet énorme avertissement dans ce verset qui dit ceci, dont la traduction approximative nous dit ceci, que ceux qui sont en divergence avec son ordre, c'est-à-dire avec un ordre du prophète alayhi salatu wassalam, prennent garde que la fitna ne les atteigne et ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc, hein, et Imam Ahmed a dit concernant la fitna ici que c'est l'associationnisme. La personne ne cesse de rejeter les sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à tomber sur sa tête dans l'associationnisme. Hein. Regarde le verset. Quel est l'énorme avertissement qu'il y a dedans, dans ce verset. Hein? Que ceux qui sont en divergence avec son ordre, un seul ordre du prophète, prennent garde que la fitna ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. يقول حفظه الله اسمع أسمعني الله وإياك الخير ونفعني الله وإياك بالآي والذكر الحكيم اسمع إلى كلام الإمام الحسن البصري في هذه الوصية الجامعة المانعة مما ذكره السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد قال رحمه الله يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة Il dit, Habibullah Ta'ala, Cheikh Abdallah al-Bukhari, il dit, et écoute, qu'Allah nous fasse entendre à tous le bien et qu'Allah nous fasse profiter des versets du Coran. Écoute les paroles de Hassan al-Basri rahimahullah, dont ce conseil synthèse dans ce qui a été rapporté par Safarini dans Sharh Thulathiyat Musnad Imam Ahmed. Les Thulathiyat ici, c'est les hadiths dans lesquels il y a entre l'auteur du recueil, ici on les commence l'imam Ahmed, trois personnes, hein? C'est-à-dire, il y a l'auteur, l'imam Ahmed, et trois personnes directement au messager, alayhi salatu wassalam. C'est ça, Thulathiyat, Musnad, l'imam Ahmed, comme il y a Thulathiyat, le Bukhari et autres. Donc, il dit, écoute, ce conseil synthèse dans ce qui a été rapporté dans l'interprétation de Thulathiyat, Musnad, l'imam Ahmed par Safarini. Il a dit, Hassan al-Basri a dit, ne te fais pas avoir par celui qui dit, l'être est avec ceux qu'ils aiment. L'être est avec ceux qu'il aime. Il dit, ne te fais pas avoir par ceux qui disent ça. Car celui qui aime des gens, il les suit. Il suit leurs traces. Et tu ne seras pas avec les gens du bien qu'en suivant leurs traces et en étant sur leur voie. Et en prenant comme modèle leur sunnah. Et que matin et soir, tu es sur leur voie, en tenant à être avec eux, tu prends leur chemin, même si tu fais peu d'actes, car l'essentiel, c'est que tu sois dans la droiture. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء والمرجئة يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار نعوذ بالله من ذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. Et donc les paroles sont toujours Al-Hassan al-Basri رحمه الله. Il a dit, as-tu vu les juifs et les chrétiens et les gens de l'innovation, le Murji'a? Ils aiment leurs prophètes, ils ne seront pas avec eux car ils ont eu des divergences avec eux dans les paroles, dans les actes. Ils ont pris un autre chemin que celui de leurs prophètes, et donc leur fin, c'est l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fin de citation des paroles de Hassan al-Basri rahimahullah. يقول الشيخ عبد الله فإياك يا عبد الله أن تكون وليا لله في الظاهر عدوا له في السر تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعلم حقوقه التي أوجبها الله عليك تنجو وتفلح بإذن الله. Et le cheikh Abdallah de nous dire, attention, ô soumis à Allah, attention, ne sois pas un allié dans l'apparence et un ennemi dans le cœur, cramponne-toi à la voix du messager alayhi salatu wassalam, et apprends ces droits qu'Allah il t'a fait obligatoire, tu vas être sauvé et tu réussiras. Qala waffaqani Allah wa iyyakum li kulli khayr wa jannabani الله وإياكم كل شر إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Et il a dit, حمده الله, qu'Allah nous donne à tous la réussite dans le bien et qu'Allah nous fasse éviter tout mal. Et il est généreux, سبحانه وتعالى. Prière et salutations sur notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, sa famille, ses compagnons. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons terminé cet épître des droits du prophète alayhi salatu wassalam de Cheikh Abdallah al-Bukhari. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi les gens qui écoutent et qui mettent en application. Fasse Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'il husna wa sifatihi al-ula. أن يحفظ شيخنا الشيخ عبد الله حفظه الله وأن ينفعنا بما يقدم وبما يكتب وأن ينفعنا بدروسه ودروس مشايخ أهل السنة والجماعة أينما كانوا وأن جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله سبحانه وتعالى أن يطيل عمر مشايخنا في طاعته وأن